6 A. Allô Martine? Oui, bonjour Madame Julien. Je vous appelle pour jeudi. Finalement, la soirée risque de se prolonger et nous ne pensons pas être de retour avant minuit 1 h. C'est bon pour vous? Oui, pas de problème. Ok, alors je vous donne donc quelques recommandations pour les jumeaux, d'accord? Oui, d'accord, je vous écoute. Alors, je vous attends vers 17 h. Il faudra d'abord les aider avec leurs devoirs. Anatole doit apprendre une poésie pour la réciter devant sa classe. Et Lucie a un contrôle de mathématiques le lendemain. Il faudrait les faire réviser, réciter, revoir leur cahier de texte, etc. Mais à 19 h, ils doivent dîner. Tout sera prêt. Il vous suffira de faire réchauffer les plats. Attention, vous vous souvenez qu'Anatole est allergique au chocolat? Alors, pour le dessert, il y a des crèmes au caramel dans le frigo. Pas de problème, je m'en souviendrai. Je leur fais prendre un bain? Oui, après dîner. Et ils doivent être au livre à 21 h. Vous devez aussi leur lire une histoire, comme d'habitude. Le livre est sur la table de nuit de Lucie. Et pour la lumière, j'éteins tout? Non, laissez la petite veilleuse, vous savez que Lucie a peur du noir. Je vous prépare une petite note, d'accord? D'accord, à jeudi alors.